Seneza. Vendredi 28 décembre 2018, bonjour et bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Le président de la République du Burundi indique que sa décision de ne pas se représenter aux élections présidentielles de 2020 est irréversible. Pierre Nkurunziza l'a dit ce vendredi au cours d'une conférence publique tenue en province Ngozi. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. 45 cas de choléra ont déjà été observés dans le district sanitaire de Rumonge depuis le 25 de ce mois de décembre. Le ministère de la Santé publique a déjà déclaré l'épidémie de choléra dans la commune et province Rumonge, indiquant qu'un cas de cette maladie s'est également manifesté dans la zone de Buterere en mairie de Bujumbura. Le reportage du jour nous mène en commune et province Makamba, une bonne cohabitation pacifique entre les jeunes de différentes formations politique qui avait connu une perturbation en 2015 est aujourd'hui à la normale. Et dans la chronique environnement de ce vendredi, les matières plastiques devraient être recyclées dans le but de recharger les chaussées pour ne pas détruire l'environnement. Voilà pour les titres de ce journal, mis en onde par François Akiman. Nous débutons ce journal par la page politique. La décision du président Pierre Nkurunziza de ne pas présenter sa candidature aux élections présidentielles en 2020 est irréversible. Il a dit ce vendredi dans une conférence publique tenue à Ngozi. Le numéro 1 burundais répondait sur la question de savoir s'il se représenterait pour sa propre succession et qu'il ne se raviserait pas si les Bagumyabanga du CNDD-FDD le lui demandaient. Suivez plutôt le président de la République, Pierre Nkurunziza, traduit en français par Elie Nibel Nibigira. Quand bien même il viendrait devant mon palais, dans un sit-in de toute une année, je m'en suis prononcé et je ne change pas d'avis parce que la décision que j'ai prise n'émane pas des consultations avec les membres de mon parti. Pas du tout. C'est une décision prise avec conscience de mon pays, de ma personnalité et de ce que je dois accomplir pour mon pays. Il n'y a pas de parti qui force les personnes pour se faire élire. Non, moi je leur ai dit en avance. Vous ne me l'avez pas demandé. Moi je prie Dieu et je reçois avec attention le message de Dieu dans mon cœur. Et j'observe où j'en suis avec le développement du pays, d'où nous sommes venus et où nous sommes, et la décision adéquate à prendre. Et nous avons déclaré que c'est une année d'être décisif. Si tu ne prends pas la décision étant président de la République digne à lui, tu prendras une décision d'un chef culinaire. Ça, c'est la décision digne pour un chef d'État. Moi, je resterai dans mon parti et travailler pour lui, car il m'a élevé, et aujourd'hui, il est temps d'élever les autres, et on va les soutenir. Le parti comprend beaucoup de personnalités intègres. On travaillera en synergie. Ne vous inquiétez pas, Pierre Nkurunziza n'est pas le seul président à être à la tête du pays. Il y en a d'autres qui pourraient faire mieux. C'est ce que je souhaite. Les journalistes ont demandé également au chef de l'État si le projet de créer la capitale politique au chef-lieu de la province de Gitega ne pourra pas se heurter à un manque criant de bâtiments qui vont abriter différentes institutions publiques. Le président Nkurunziza a répondu que Gitega regorge beaucoup de maisons, mais que petit à petit, le gouvernement pourra en construire d'autres. Il faut retenir que les habitants de Gitega ne sont pas pauvres. Ils ont beaucoup de maisons bien construites. Comme on le faisait même à Bujumbura, on va louer des maisons à Gitega. La location à Gitega coûte moins de 50% par rapport à celle de Bujumbura. Vous entendez qu'il y a un léger mieux. Nous avons aussi un projet de construire plusieurs bâtiments à Gitega. Les moyens sont déjà disponibles. Quand nous prenons une décision que Gitega devient la capitale politique, cela ne veut pas dire que tout doit être disponible dans l'immédiat. Je pense que d'ici 4 ou 5 ans, tout sera disponible. Les bâtiments qui vont abriter les ministères, le Sénat et l'Assemblée nationale seront construits pour mettre les choses sur les rails. Le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, traduit en français par Évariste Nzikobanyanka. Sur la page gouvernance, le gouverneur de la province de Bujumbura n'a pas les prérogatives de rejeter la décision prise par le conseil communal de Mutimbuzi de limoger l'administrateur communal. Les propos du président de l'organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olucom. Gabriel Ofili demande à la justice et au Parlement de suivre de près cette situation de la commune Mutimbuzi. Il a été joint au téléphone par Jean-Marie Vianney Ngendakouman. On ne comprend pas comment ce dossier doit prendre tout son temps sans que des organes comme l'inspection des finances communales, l'inspection générale de l'État, Cour des comptes, les commissions à l'Assemblée nationale, au Sénat, soient là. Pour enquêter au niveau des communes, ils ne demandent aucune autorisation parce que c'est leur devoir, parce qu'ils utilisent les moyens des citoyens, les moyens de ces mêmes contribuables qui sont actuellement dans la croisée des chemins. C'est la raison pour laquelle l'ORICOM demande aux autorités au plus haut sommet de l'État de tout faire dans les plus brefs délais pour que le bien public soit protégé comme par ailleurs. L'administrateur de Mutimbuzi précise qu'il a été limogé après avoir refusé d'octroyer les parcelles aux membres des conseils communaux. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas l'administrateur de dire qu'il n'est pas coupable. C'est plutôt les institutions habilitées de le constater. Le pouvoir du gouverneur ne peut pas en aucun cas prévaloir au niveau des crimes. Et c'est pour cette raison que pour nous, laisser l'administrateur à son poste, c'est de lui dire vous récommettez. On ne peut pas en aucun cas croire à ses propos sans que les organes habilités n'ont pas encore donné un rapport officiel. Nous demandons aux autorités, à commencer par le président de la République, de protéger les citoyens parce que les intérêts d'un seul individu ne peuvent pas en aucun cas primer pour les intérêts de plus de 60 000 personnes. C'est même inimaginable. À cette question de conflit politique entre l'administrateur de la commune Mutimbuzi et le conseil communal, le président de la République tranquillise. Il indique que le ministère de l'Intérieur va se saisir de la question. Suivez encore une fois le chef de l'État dans la traduction d'Évariste Nzikobanya. Ce qui a été fait par le conseil communal de Mutimbuzi ne veut pas dire que l'administrateur a été démis de ses fonctions. Ce conseil va donner rapport à qui de droit. Il y a ce que le gouverneur peut faire en se basant sur la loi. Au cas où il ne parvient pas à régler ce différend, il transmet le rapport au ministère de l'Intérieur. C'est ce ministère qui doit analyser ce dossier. Le conseil communal a pris une décision provisoire. C'est au ministère de l'Intérieur de prouver si la destitution de cet administrateur a été conforme à la loi. C'est le décret du chef de l'État qui, par la suite, procède à son remplacement. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 13h05 au studio de la radio Isanganiro, le journal continue. Sur la page santé, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a déclaré l'épidémie de choléra dans la commune et province de Rumonge au sud du pays. 45 cas se sont déjà observés dans le district sanitaire de Rumonge depuis le 25 de ce mois de décembre. Dans un communiqué de son ministère de ce vendredi, le ministre burundais de la Santé évoque les récentes inondations dans son coin du pays et le manque d'eau potable parmi les causes de cette épidémie. Toutefois, Dr Tadendikoumana tranquillise que son ministère est prêt pour intervenir. Suivez. Une épidémie de choléra s'est déclarée dans la province sanitaire de Rumonge, dans le district sanitaire de Rumonge. Un premier cas en provenance du quartier Teba de la ville de Rumonge a été confirmé le 25 décembre 2018 par le laboratoire national de référence, l'INSP. Un deuxième cas en provenance de la colline Muturigwa de la zone Minago a été confirmé le 26 décembre 2018. Au total, donc, 45 cas ont été enregistrés jusqu'à ce matin à 8 heures. Et parmi ces malades, une personne qui avait été identifiée comme premier cas de choléra est sorti indemne. Une réunion à Rumonge s'est tenue pour voir s'il y a d'autres malades qui vont sortir guéris. Et les foyers de propagation sont dans les quartiers Teba, Kanyenghoko et Gihwanya de la ville de Rumonge, les collines Muturigwa, Chugaro et Kibozi de la zone Minago, la colline Mwange de la zone Kizuka, les collines Gatete, Mutambara et Makombe de la zone Gatete, la colline Karonda de la zone Kigwena, ainsi que la colline Bisaka de la zone Murago dans la commune de Burambi. Et je voudrais donc déclarer l'épidémie de choléra dans le district sanitaire de Rumonge et attirer l'attention des pouvoirs publics et de la population burundaise en général et celle des zones touchées en particulier pour que nous puissions conjuguer nos efforts pour circonscrire et arrêter la propagation de cette épidémie dans notre pays. Et les causes qui ont été identifiées sont les pluies diluviennes qui se sont abattues dans le district sanitaire de Rumonge et qui a fait que les toilettes soient débordées. Et aussi, il y a une autre cause qui était la rareté d'eau potable, ce qui a fait que la population aille s'approvisionner en eau dans le lac Tanganyika. Et comme vous le savez, le lac Tanganyika constitue un réservoir de vibrio cholerae. Donc, avec l'appui des partenaires et des administratifs et aussi de la police, le ministère de la Santé publique est disposé à approvisionner en eau potable la population de Rumonge. Et aussi, je voudrais interpeller la population de Rumonge et la population burundaise en général d'observer strictement les mesures d'hygiène. Cette épidémie se présente aussi dans la zone urbaine de Buterere au nord de la capitale Bujumbura. Un cas a déjà été signalé. Le ministre Tadendikumana appelle la population à suivre les mesures d'hygiène. Et nous avons aussi enregistré un cas à Buterere dans le district sanitaire nord de la mairie. C'est un cas isolé qui est actuellement hospitalisé à l'hôpital Prince Régent. Et des efforts seront aussi déployés dans le district de la mairie nord pour faire la priorisation intradomicilière, parce que dans son district aussi, nous avons connu des inondations, et cela fait que les toilettes débordent, et cela constitue aussi un autre moyen de propagation de la maladie. Sur la même page santé, 61% des enfants de moins de 5 ans souffrent de l'anémie, comme l'indique Dr Alain Parfait Bimenyimana, vice-président du Programme national intégré pour l'alimentation et la nutrition, Pronianut en sigle, au sein du ministère de la Santé publique. Il indique qu'ils ont mis en place des poudres micronutriments pour les enfants de 6 à 23 mois en vue de lutter contre la malnutrition. C'était lors d'un atelier ce vendredi organisé par World Vision sur la revue annuelle des activités du projet Amélioration de la nutrition de la mère et de l'enfant. Sur la page Justice, une peine de 10 ans de prison ferme a été prononcée contre le policier Simon Ndaikengurukiye par le tribunal de grande instance de Bururi siégeant en matière de flagrance le soir de ce jeudi. Ce policier coupable d'avoir tué une personne de Kinyinya en commune Matana de la province de Bururi le soir de Noël. Le parquet de Bururi, qui avait requis une peine de 20 ans de prison, indique qu'il compte interjeter appel. À la source, reportage. Une bonne cohabitation existe actuellement entre jeunes de différentes formations politiques opérant en commune et province Makamba, malgré sa perturbation peu avant et après 2015. Les jeunes de Kibago, qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro, parle des effets positifs des enseignements et travaux rassembleurs pilotés par l'administration, l'Église catholique, certaines organisations et médias. C'est un reportage signé Jean-Pierre Misago. Sur la colline Kiyange, Ndikuriyo, un jeune de la coalition Amizero y'Abarundi, s'apprête à faire son métier de taxi-motard. Sur notre demande, il accepte de s'exprimer au micro de la radio Isanganiro. Il reconnaît que la cohabitation n'était pas des bonnes entre les jeunes des différentes partis politiques de Kibago dans les années 2015-2016. Certains même, comme ce jeune du MSD habitant Rubimba et qui préfère être appelé Kezimana, témoigne difficilement qu'il a dû suspendre les activités politiques. Interrogé sur l'évolution de la situation, un jeune du CNDD-FDD habitant Nyarubanga